Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM pour cette quatrième chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avons parlé du tatouage dans le judaïsme et de la dernière partie de l'histoire globale du tatouage. Nous avions ensuite poursuivi par le tatouage réaliste pour finir par la rose et ses significations. Dans cette nouvelle chronique, nous parlerons du hanpok, puis nous continuerons avec un style de tatouage pour finir, comme à l'habitude, d'un motif et de ses significations. Démarrons sans plus attendre. Un hand pocket tattoo est un tatouage réalisé avec la technique dite du hand poke, c'est-à-dire un tatouage qui a été fait sans machine électrique, simplement avec une aiguille trempée dans de l'encre. Pour rentrer plus en détail dans cet outil de torture, ou pas, c'est tout simplement une tige en bois finie qui se termine par une ou plusieurs aiguilles. Le tatoueur qui utilise cette technique professionnelle ou amateur doit contrôler la force, la profondeur et la rapidité du mouvement. Plus de machine et plus de dynamo, le hand poke est un retour au tatouage le plus traditionnel. Il existe deux genres de tatouages qui utilisent cette technique. L'un, effectué dans le cadre d'une tradition et une culture, où le hand pocket tattoo est la règle et l'usage. L'autre, réalisé dans la société occidentale, de manière amateur ou professionnelle, mais sans racines culturelles ou rituelles particulières. Et c'est sur ce dernier que nous allons nous attarder. Commençons par le hand poke chez les amateurs, aussi appelé stick and poke. Une aiguille stérilisée à l'alcool ou à l'eau bouillante, mais jamais au feu qui laisse des résidus. Un peu de fil pour le réservoir et de l'encre de chine, et tout le monde peut s'essayer au hand poke. Ce tatouage est pratiqué ainsi dans les prisons ou par les scratchers, des tatoueurs amateurs qui utilisent aucun matériel professionnel, sans aucune formation particulière ni encadrement. Cette pratique devient aussi la mode chez les adolescents qui recherchent transgression, goût du risque, réappropriation de leur corps, envie d'expérimenter, etc. Il existe sur internet beaucoup de tutoriels afin de réaliser sa propre aiguille et ses propres tatouages, avec bien sûr de plus ou moins bons conseils en ce qui concerne l'hygiène ou les risques. Cependant, pensez-vous que ce soit une bonne idée ? À vrai dire, tout dépend de l'approche que vous avez de la pratique et du tatouage. Certains considèrent les tatouages comme de vraies œuvres d'art, d'autres comme un art de vivre. Il faut juste savoir que même sous l'impulsion du moment, entre amis ou seul dans sa cuisine, le stick and poke, en fonction de l'encre et la dextérité du scratcher, est plus ou moins permanent et qu'il comporte des risques, infections, regrets, l'usuel et bien d'autres. Il ne faut donc pas le mettre entre toutes les mains. Car une aiguille mal stérilisée peut être la cause d'une infection, et de plus, il ne faut jamais partager une aiguille. L'alcool et la drogue multiplient les risques d'infection, de transmission, de maladies et autres aléas liés à l'insertion d'un corps étranger sous l'épiderme. Mais hormis les risques sanitaires, il faut savoir que les tatouages faits maison tiennent mal ou moins bien que s'ils auraient été réalisés par un professionnel. Qualité de l'encre, quantité insuffisante ou profondeur aléatoire, dans l'épiderme ce ne sont que quelques facteurs. Peu importe la technique, le tatouage dépend de la personne qui se trouve derrière l'aiguille. Ne vous fiez pas aux jolis rendus que l'on peut trouver sur le net, lignes mal tracées, cercles incertains ou points trop distants. Le résultat peut s'avérer bien loin du dessin initialement envisagé. Un stick and poke improvisé peut vite devenir une tache noire peu reconnaissable. Allons voir maintenant la tendance des tatouages hand pocket chez les tatoueurs professionnels. Il faut savoir que les scratchers ne sont pas les seuls à se lier d'affection avec cette technique. Récemment, des tatoueurs plus que rodés sont passés en hand poke. Woody Hills ou encore Zoil, l'un des maîtres du Photoshop qui privilégie maintenant le noir et gris hand poke. Mais vous me direz que maintenant que nous avons des machines qui permettent de tatouer vite et bien, et que dans notre société aucune attache au sens spirituel n'existe, alors pourquoi s'imposer aux tatoués comme aux tatoueurs la longue tâche d'ancrer point par point une pièce entière ? Parce que tout simplement, la technique n'est pas la même, donc le résultat sera lui aussi pas le même. Et comme il s'agit d'une aiguille attachée à un manche, le procédé s'effectue point par point, ce qui donne un résultat relativement proche du dot work. De plus, les lignes étant plus fines, les effets ne sont pas les mêmes que ceux à la machine. Les aplats de noir sont plus rares et l'on croise que très rarement des couleurs. En résumé, tous les tatouages ne sont pas réalisables avec cette technique qui propose un résultat unique. La différence de texture et d'aspect sont d'autant plus remarquables dans les tatouages traditionnels conçus et réalisés dans une esthétique et une culture du tatouage fait à la main. Les personnes adeptes de ce genre de tatouage parlent d'une expérience différente, pas forcément plus douloureuse que le tatouage à la machine, cependant la technique demande des séances plus longues, surtout pour les grosses pièces. De ce fait, le hand poke pratiqué dans nos sociétés occidentales ont tendance à privilégier les petites pièces. Mais ce n'est pas tout. En effet, réalisé par une artiste expérimentée, le hand poke a une cicatrisation plus simple. La peau étant moins agressée qu'avec une machine, la réaction de l'épiderme est moins violente et donc moins de rougeur, moins de gonflement et une cicatrisation plus douce. Cette technique a le vent en poupe car malgré les prétentions souvent élitistes des communautés de tatoués, les tendances en la matière ne sont pas réservées qu'à une partie de la civilisation. Il est souvent utilisé pour des motifs géométriques inspirés des cultures non occidentales et anciennes telles que les mandalas, les symboles vaudous ou les runes celtiques. Le tatouage est de plus en plus accepté. Il n'est plus unique mais multiple et se conjugue de façon différente selon les personnes et la façon de les pratiquer. Grâce à cette montée en popularité, les amateurs de tatouages comme les tatoueurs se tournent vers de nouvelles méthodes pour renouveler les pratiques d'une culture de plus en plus accessible. Le handpoke est avant tout un processus qui se pratique dans des contextes très variés et ne peut donc être traité comme une pratique homogène. Du choix technique réfléchi afin de revenir à des esthétiques et pratiques traditionnelles, du tatouage rock'n'roll en passant par un art de vivre, il est difficile de tirer des conclusions sur les motivations profondes de ceux qui s'y adonnent. Passons maintenant à la seconde partie de cette chronique, un style de tatouage. Celui-ci sera le style du tatouage celtique. Quelques styles de tatouage tirent leur origine de traditions parfois très anciennes. Il est donc difficile d'en retrouver précisément l'origine, si ce n'est dans les mythes et légendes, ce qui est le cas pour le tatouage celtique. Symbole du mode de vie d'un peuple tout entier, c'est un style qui s'est adapté aux exigences modernes du tatouage. Cependant, il a conservé son âme. Les tatouages celtiques, comme son nom l'indique, viennent du peuple des Celtes. Ce sont des tribus anciennement situées en Europe occidentale et centrale qui correspondent de nos jours aux Écossais, Irlandais, Gallois et Bretons. Leur but était de toujours viser l'élargissement de leur terre, que ce soit par les guerres, les envahissements et les conquêtes. De passif héroïque, le peuple des Celtes est aussi caractérisé par de mystérieux symboles, des légendes populaires ainsi que de profondes traditions. Ces traditions mélangées aux mystérieux symboles donnent naissance au tatouage celte. Au Moyen-Âge, sa principale fonction était de distinguer entre elles les classes sociales et selon la position de chacun ainsi que leur rôle. Le tatouage celtique permettait également de distinguer les membres d'une même tribu. La catégorie sociale de plus attachée au tatouage celtique était celle des guerriers. Ces derniers étaient les plus honorés de la société et ils portaient les marques de tatouage celtique pour influencer l'adversaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la légende raconte que lors de certaines batailles, les guerriers celtes se rendaient nus sur le champ de bataille, arborant des tatouages, ce qui avait pour effet de désorienter leur adversaire. Le tatouage celtique est principalement caractérisé par la présence de traits entremêlés, d'embranchements en tout genre et de nœuds. Une apparence élégante leur octroie un caractère décoratif. Cependant, leur complexité donne un certain mystère qui cadre à la perfection avec leur symbolique. Si on fait le rapprochement avec les guerriers celtes, les motifs de tatouage symbolique font penser à une certaine personnalité dominante. Il est donc parfait pour les personnes qui souhaitent s'affirmer ou se montrer comme des personnes imposantes. Que vous essayez tatouage minimaliste ou tatouage géant, le choix de vos tatouages celtiques pourra varier. Le motif le plus apprécié pour les tatoués étant la croix celtique qui symbolise la foi chrétienne des Celtes. Elle est faite d'une croix entourée d'un cercle avec à l'intérieur des lignes enchevêtrées. Ce tatou sera super en grand format sur un dos ou un bras. Il est symbole de connexion entre la terre et le ciel, centre d'énergie spirituelle. Un autre tatouage celte répandu est le nœud celtique. Un nœud sans fin témoignant du cycle interminable de la vie et de la mort. Dans le cou, sur le poignet ou sur la cuisse, pour faire discret en minimaliste, il sera parfait. Mais des animaux ou des objets pourront être également reproduits, à la seule condition qu'ils incluent les liens entremêlés. Marque de fabrique du tatouage celtique. Vous en savez maintenant un peu plus sur le tatouage celtique. Libre à vous de voir si ce style vous conviendra ou pas. Entamons à présent la dernière partie de cette chronique. Un motif et ses significations. Le motif du jour est l'encre. Comme vous vous en doutez, nous devons ce style de tatouage aux marins. C'est l'un des éléments les plus représentatifs du milieu marin, outil servant à stabiliser le bateau amarré, car même s'il se trouve sur mer, il dispose quand même d'une certaine stabilité. C'est toujours un plaisir pour les marins qui passent de longs jours et de longs mois sur une surface d'eau instable de se retrouver dans la stabilité de la sécurité qu'octroie l'ancre jetée. Alors quoi de mieux si vous avez réussi à bâtir une situation ou si vous vous sentez en sécurité face à certaines difficultés de vous faire un tatouage d'encre. L'on peut voir aussi le rôle de l'ancre sous un autre angle, lorsque le bateau est sur place. En effet, une embarcation ancrée reste en principe inamovible, fermement installée, et tant que la chaînette qui la relie au bateau ne remonte pas, l'embarcation ne bouge pas. C'est pourquoi le tatouage ancre est aussi associé à une certaine fermeté et vous conviendra parfaitement si vous faites preuve de rigueur et vous avez des convictions fortes. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes une personne très attachée à vos frères et sœurs ou à votre parent, le tatouage ancre vous conviendra très bien, car les marins n'avaient que leurs souvenirs pour rester liés à leur famille lorsqu'ils voguaient en haute mer, et cela leur permettait de tenir face aux péripéties de leur voyage sur les océans. Une autre raison pour opter pour ce motif est si vous êtes dans une relation amoureuse sérieuse à laquelle vous tenez. Dans le cou, sur la main ou encore sur la cheville, à vous de choisir l'emplacement. Je finirai par dire que selon le sens que vous lui donnez, vous pouvez choisir un style adéquat, tout comme vous pouvez également associer l'encre à des fleurs ou à un prénom. Vous êtes seul maître ou maîtresse de votre décision. C'est ainsi que cette quatrième chronique se termine. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à l'adresse www.radiogamozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Mille et une histoires de tatouage. Ciao.